Le personnage par Albert de Thèse. 1er novembre. Il s'est fait un grand calme depuis que la campagne ne retentissait plus des cris joyeux des vendangeurs. C'était le moment où l'œuvre des saisons étant accomplie, la vie est prête à rentrer sous terre pour s'y recueillir et s'y renouveler. Le moment où nous attire le charme du foyer, cette concentration de notre vie humaine. Et pour la première fois depuis notre amour, nous sentions les douceurs parfaites de l'intimité, dans les soirées déjà longues que nous passions assis tous les deux à la même table, travaillant éclairés par la même lampe. Nous étions arrivés à cette heure automnale où l'ardeur de la passion étant épuisée, une ineffable tendresse se révèle dans la paix du cœur, mais quel bonheur est durable. Un soir que nous rentrions de notre promenade plus tard que d'habitude, Emma fut prise d'un frisson. Elle eut la fièvre et les jours suivants, elle fut languissante. Depuis ce temps, elle ne cessa de dépérir. Son beau visage s'amincit, ses joues et ses lèvres se décolorèrent. Au coin de sa bouche aimée, le sourire ne fut plus qu'un pli douloureux. Mystérieuse concordance entre l'être humain qui meurt et l'arbre qui se dépouille. À la chute des feuilles, elle mourra, avait dit tout bas, ne se doutant pas que je l'entendais, la vieille servante Catherine. Et les feuilles tombaient. Par milliers, leurs cadavres jonchaient le sol. L'esprit apeuré par la sinistre prophétie de la paysanne, je me disais, quand il n'en aura plus, lorsque l'hiver avec son vent, son froid et ses gelées aura détruit toute trace de vie autour de nous, alors s'en sera fait de la sienne. Superstitieux, j'observais, je notais, avec une angoisse croissante, chaque fait marquant la dégradation de la vie extérieure. Brins d'herbe flétries, fleurs desséchées, cadavres d'insectes jonchant le sol, oiseaux fuyant et emportant sous les climats exotiques la chaude vibration de leurs ailes et de leurs chants. Toute parcelle vivante dont je constatais la disparition dans la nature représentait à mon imagination effrayée un atome enlevé à la vie de ma chère Emma. Or, depuis de longs mois, cette angoisse n'a fait que grandir. Mon esprit, rendu stupide par l'attente d'une catastrophe inévitable et saisi à toute minute d'affolement superstitieux, accroche son espérance ou sa crainte à des hasards et à des riens. Le grincement d'un volet, une chauve-souris battant la façade de son aile, le nombre 13 rencontré dans la phrase du journal que je parcours machinalement, un squelette d'oiseau gracieux et frêle trouvé en errant dans la campagne, la forme d'une nuée dans le ciel, tout m'épouvante, tout devient pour moi présage sinistre. Mais surtout, l'esprit constamment frappé par les paroles de Catherine, à la chute des feuilles, elle mourra. Je m'attache avec terreur à la dernière feuille demeurée verte à la cime du grand platane de la terrasse. Avec quelle audace et quelle ténacité elle arbore sur la stérilité morne des choses ou le drapeau de la vie. L'hiver triomphe de tout, excepté d'elle. Au sommet des branches dépouillées, elle flotte et tient bon. Le vent qui souffle, la pluie qui tombe, n'auront point raison de sa vaillance. Je l'admire, je la surveille aussi. Explique qui pourra cette idée, cette impression poussée tout à coup dans mon imagination bouleversée. Moi, je suis convaincu que le sort de cette feuille est indissolublement lié à celui de mon ami, que son étiolement définitif et sa chute marqueront la minute fatale où son âme à elle se détachera du pauvre corps à demi consumé. Enfin, à toute heure du jour et de la nuit, je m'attends à voir se réaliser la prédiction de cette affreuse domestique. À la chute des feuilles, elle mourra. 3 décembre. La nuit dernière, Emma a dormi un peu, d'un sommeil léger, visitée sans doute par de vilains songes, car à chaque instant, j'étais obligé de prendre sa main, sa pauvre main maigrie aux doigts effilés dans les miennes, afin de la rassurer contre le cauchemar qui l'oppressait. La neige est tombée toute la nuit. Ses flocons blancs, comme une pluie de duvet, traversaient l'ombre, venait doucement battre nos vitres, ainsi que le battement d'une aile d'oiseau, après avoir tournoyé dans l'air. Ce matin, la terrasse, le jardin, les collines n'étaient qu'une nappe blanche, et du ciel haut et pâle, la neige tombait toujours, obstruant déjà le rez-de-chaussée. Une étrange pensée, un désir fou m'est venu, que la nature entière, plantes, animaux et nous, tout soit enseveli sous cette pluie de neige. Dans cette chambre où nous avons vécu nos heures charmantes, ne serait-il pas heureux pour nous de reposer l'un près de l'autre pendant les siècles éternels, comme dans les climats sibériens, dorment depuis des millions d'années des couples d'êtres enfouis. Ainsi il arrivera pour l'humanité entière, si un refroidissement subi la pétrifie un jour sur sa planète glacée. Et je souhaitais que ce moment suprême fût venu. Mais la neige a cessé de tomber. Le ciel s'est découvert et le pâle soleil de décembre a lui sur le soir de cette triste journée. Le long docteur à silhouette funèbre est venu, a ausculté la malade, tâté son pouls, puis est parti sans rien dire. Plus d'espoir, je le devine. Elle est inerte dans son lit, ne parle pas ou répond faiblement et péniblement aux paroles que je lui adresse. Est-ce la fin ? Les dernières traces de la vie ont tout à fait disparu de la campagne. Des arbres de cristal se dressent dans le paysage blanc comme un immense linceul. Pourtant, à la plus haute cime du platane, la petite feuille, toujours aussi verte, a résisté au contact de la gelée et reste là, comme une dernière espérance, le symbole de la vie arborée au milieu de la mort universelle. Fin janvier. L'esprit alourdi, hébété, le corps accablé, comme un condamné qui attend l'heure du supplice, absorbé par un sentiment superstitieux, je fixais toute ma pensée sur cette feuille dont la destinée me paraissait si intimement liée à celle d'Emma. Le moindre souffle qui agitait l'air du dehors me faisait tressaillir. J'allais sans cesse de la fenêtre au lit, me penchant sur Emma pour entendre sa respiration imperceptible. La nuit vint tout à fait. Je n'aperçus plus la feuille. Alors, dans une incertitude cruelle, je m'assis au coin du feu. Je tisonnais machinalement. La veilleuse jetait au plafond son fond de lumière. La flamme du foyer faisait vaciller l'ombre des rideaux comme deux grandes ailes noires étendues là-haut. Les yeux plongés dans la cheminée, je me souviens que, tout petit, j'aimais à me figurer, dans les profondeurs du bois creusé par le feu, des temples ardents et mystérieux, habité par une divinité terrible qui consumait tout. L'intérieur du temple tantôt se voilait, tantôt s'éclairait davantage. Il s'y produisait des effondrements. Des piliers s'écroulaient, des tisons enflammés se dérèrent de la voûte. Une cendre les recouvrait. Le foyer s'éteignit. C'était la mort. Puis, en entendant le tic-tac de la pendule, le bouillonnement de l'eau et des tisanes devant la cheminée, je songeais que cette animation relative qui traduit encore la vie dans la chambre d'un malade, s'arrête tout à coup, fait place au silence froid quand... Cette pensée me traversa le cœur comme une flèche aiguë. Je me levai, je m'approchai de la fenêtre. Le ciel s'était éclairé, la lune brillait dans son plein, la neige, sur la terrasse, étendait son tapis éblouissant. La feuille était à la cime du platane. Ce n'était qu'une ombre pareille à un papillon de nuit, posé là. Tout à coup, je la vis. Tout mon être frissonne. Je la vis, lentement. Comment exprimer ces quelques secondes d'anxiété mortelle que j'éprouvais? Je la vis se détacher et, soutenue par l'air, descendre en se heurtant de branche en branche, puis se poser à terre comme un oiseau, faisant sur la neige une tache noire de la largeur de la main. Je me dirigeai vers le lit. Chancelant, elle est morte. À ce cri, Emma s'éveilla. « Oh, dit-elle, j'ai bien dormi. C'est la première fois, je me sens bien. » Dans la matinée, un soleil brillant fondit la glace. Des souffles tièdes flottaient dans l'air, donnant une sensation de printemps. Emma, dans la chaise longue, roulée près de la fenêtre, semblait ranimée par la gaie lumière qui la baignait, mollement étendue. Catherine elle-même, toute joyeuse, entra dans la chambre en s'écriant « Voyez, madame, la jolie fleur blanche que je viens de cueillir. » Un personnage, c'était le retour de la vie dans la nature. Albert de Thèse.